cigarette, en cigarette. Tu fais le vide dans ta tête. Quand les fantômes de ton enfance apprennent à battre l'existence. Petit oiseau tombé du nid, la nuit s'empare de ton silence. Il n'en demeure que l'importance de ses blessures au quotidien. Ne mène à rien. Petit oiseau tombé du nid, guérir de ses souffrances qui ont martelé notre enfance. Le rossignol de mon jardin chante la vie dans son écrin. Petit oiseau tombé du nid,